Les magiciens. Des souffles moyenâgeux au château oublié. Il parcourt, dites bruit, les cliquetis des mots de l'enfer. Salut d'hier, l'on revoit au retour de l'ange sur les ponts du Savoir. Ils accordent les danses du corps qui s'anime, palindrome de sens, dame jeune qui s'incline de son invité pour la danse. J'aime belle aux yeux spirites, comptant l'aventure, l'inframonde, le ciel oblique, le geste futur. Des souffles moyenâgeux au château oublié, il parcourt, dites bruit, les cliquetis des mots de l'enfer. Salut d'hier, l'on voit au retour de l'ange sur les ponts du Savoir, ils accordent les dents.